On va parler avec Serge Cloutier du tournoi de la PGA qui s'est terminé hier. Beaucoup de monde l'ont suivi. On en parle avec Serge. Salut Serge. Bonjour Danny. Serge, c'est Brooke Koepka qui a remporté. C'est son deuxième tournoi majeur qu'il a remporté cette année. Mais tout le monde parle de Tiger un matin. Ben c'est parce que Tiger, c'est Tiger. Le charisme de Tiger Woods. Ouais. C'est Brooke Koepka. C'est un Moses de bon golfeur. Il vient de gagner de l'Omnium des États-Unis et gagner le PGA. Mm. Mais c'est pas Tiger Woods. Ouais. Alors, les gens, puis Brooks Koepka, enfin, la journée d'hier, ils savaient ce qui se passait à ces autres trous parce que Tiger Woods, il y avait tellement de monde qui le suivait, ça criait, ça beuglait, excusez l'expression. Alors, le gars, quand que Tiger réussissait quelque chose de bien, ben le... Koepka le savait de suite. Mm. Alors, à un moment donné, tu vois la popularité de Tiger Woods. Tu sais, quand on remonte dans le temps où il était si bon, c'est lui qui a amené des bourses aussi intéressantes sur le circuit de la PGA, des commanditaires. Mm. Puis là, il y a eu comme une descente aux enfers, des problèmes matrimoniaux, problèmes de dos. Puis là, il est descendu tellement bas qu'à un moment donné, il est... Le monde, c'était pas pareil. On suivait le golf, mais ouais, pas de la même façon. Ah, là, le Tiger est de retour. Parce ouais, que, écoute, il a bien joué en fin de semaine. Il était vraiment, vraiment spectaculaire. Il a eu des coups de fer là, incroyables. Il a très, très bien poté. Alors, c'est sûr que Koepka, il peut lever la tête puis être 1,9 million. Oui. Il y a quand même... quand même une bonne différence entre la première et la deuxième en bourse. Regarde ça, là, 1,9, quasiment 2 millions, comparativement à 1,2 quasiment pour Tiger. Oui, ben c'est ça. Ben c'est, écoute, c'est sûr que Koepka vient de collecter 4 millions dans les deux tournois majeurs ouais, qu'il a remportés. Ouais. Puis il est exempt de faire l'exemption qu'on appelle la vie. Là. Ouais. Quand tu gagnes un tournoi majeur, tu le fous jusqu'à temps que tu veuilles, dans le fond. Alors là, le problème que... qui arrive, c'est pas le problème, c'est que les bourses sont de plus en plus hautes, puis comme je ouais, le mentionnais, c'est grâce à Tiger. Ben, effectivement. Donc, Tiger qui était deuxième, par la suite, on a eu Adam Scott, troisième, Stewart, Singh, quatrième, et John Rahm, cinquième. Le tournoi s'est joué quand, hein? Le tournoi s'est joué, ben, en fait, ça s'est rendu pratiquement jusqu'au 14e, 15e trou hier. Okay. Okay. Pour savoir vraiment, parce qu'à un moment donné, Adam Scott a ouais, fait deux très bons roulés pour rejoindre Koepka qui en a manqué deux. Okay. Et là, Koepka est revenu avec deux bons roulés. Puis là, il savait, lui-là, qu'avec deux coups d'avance, ça, c'était très difficile pour Tiger Woods puis pour Adam Scott de revenir pour le battre. Il a manqué un putt au 18e, mais il aurait fallu qu'il fasse trois putts, puis même quatre, pour se faire battre. Fait égaliser. Mm. Alors, lui, il savait dans sa tête qu'il était gagnant. C'est un gars qui frappe très fort, puis dans le milieu de l'allée. Okay. Comparativement à Tiger Woods ou McIlroy ou Justin Thomas ou ces gars-là, qui bien souvent vont frapper 350, mais à droite dans le rough, dans le bois, mm-hmm, en arrière d'un arbre. Tandis que lui, il est toujours... C'est ça que c'est Tiger qui a ouais, même mentionné. Il est dur à battre. Parce qu'il frappe 340, puis dans le milieu. Oui, oui. Alors, à ce moment-là, là, ça commence à être du golf, ça. Mm. Alors, on a vu vraiment, vraiment du golf de haute qualité, la dernière ronde en particulier. Puis ça, c'est très intéressant pour les tournois qui restent à venir. Puis la Coupe Ryder. Mm. Parce qu'au départ, Tiger Woods ne faisait pas partie des joueurs de la Coupe Ryder. On le prenait comme capitaine. OK. Mais là, il va jouer au mois de septembre. Parce que là, il est rendu des meilleurs. Il est revenu des meilleurs. Moi, je vais t'avouer honnêtement, je pensais qu'il était encore bon, mais pas aussi bon que ça. OK. Parce qu'il a bien figuré au British Open. Il a très bien figuré encore en fin de semaine. Mm. Alors, Tiger est de retour, puis ça, c'est bon pour le golf en général, pour tout le monde. Jusqu'à où, Tiger, 42 ans? Un golfeur de son âge, il quoi, 42-43 ans, ça commence à baisser ou c'est plus jeune que ça? Ben, à 42-43 ans, t'es encore bon si tu as une bonne santé, ton okay. jeu ne fait pas trop mal, tu n'as pas de problème. Regarde Mickelson, il n'a pas fait la cote en fin de semaine, mais il n'est pas encore rendu senior. Okay. Il est capable de jouer encore les gros tournois. Il est gonflé plus, là. Ouais. Mais il est encore. Parce que le senior commence à 50 ans. OK. Alors, Tiger, il en a encore pour plusieurs années à jouer s'il se sent bien. Mm. Mais il a pas l'air. Il a plus l'air d'un gars qui a mal au dos. Tu sais, hier, il a été chanceux à quelques reprises, mais il récupérait. Ça, c'est un terme de golf qu'on utilise souvent. Son coup de départ était très à droite comme exemple, dans l'herbe longue. Ouais. Il frappait un bon coup dans le milieu de l'allée, puis il récupérait parce que sa short, sa partie, on appelle ça, en termes de golf, c'est une short game. Okay. Mais ces coups-là d'approche au vert, tiens, pour parler un bon français, puis ses coups roulés étaient très bons. Mm. Alors la confiance est revenue de ce côté-là. Maintenant, est-ce qu'il peut en gagner un autre majeur? Il a passé proche hier, il n'a pas gagné. Il y en a 14. Le record, c'est 18 avec Jack Nicklaus. Moi, j'ai de la misère à m'expliquer ou à comprendre qu'il peut en gagner d'autres, mais de la manière que je vois en fin de semaine, je ne sais plus. Il n'avait pas été dans la course, dans un, je pense, c'est l'Omnium des États-Unis ou Masters. C'était le Masters, je pensais qu'il avait été dans la course pendant un certain moment, hein? Oui, c'est le British Open. British Open, il a même été deuxième à un moment donné. Ouais. Il a monté pratiquement en tête. OK. Puis il a bien figuré encore une fois. Fait que là, on sent que ce gars-là peut-être, je dis bien peut-être, remporter d'autres tournois. Un majeur, il n'y en a plus cette année. C'est fini. Le 4 sont terminés. Ouais. Est-ce que l'année prochaine, il va avoir 43 ans? Les jeunes loups là, qui ont 22, 23, 24, 25 ans, qui frappent un mille, est-ce qu'il peut les battre? Ça, je ne sais pas. Mais il est redevenu un excellent golfeur pour attirer les foules. Puis c'est très bon pour le golf en général. C'est pas la PGA qui va se plaindre, hein, parce que quand Tiger est dans la course, j'aimerais savoir les codes d'écoute de la PGA quand Tiger est dans la course. Ça ne doit pas être pareil du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Non, c'est pas pareil. Puis en plus, le monde hier, si tu avais vu le monde qui suivait Tiger Woods, là, c'était partout, partout, partout. Mm. Ça courait sur le terrain. Puis tu sais, il y a des fois, les golfeurs, ils l'échappent le coup de départ. Ouais. Puis ils sont dans la foule. C'est dangereux parce que en bas de 300 verges, je ne vais pas te placer là sur un terrain. Ces gars-là frappent 300, 325. Mm. Alors à un moment donné, il y en a qui sont trop près, puis oups, elle tombe dans la foule. Des okay. fois, ça aide les golfeurs parce qu'au lieu de s'en aller en arrière d'un arbre, ben elle va frapper quelqu'un, elle va tomber à terre et bon, je vois là. Mais tu sais, il est redevenu un golfeur à suivre, intéressant à suivre. OK, OK. Bon, ben, fait que merci beaucoup, Serge. On s'en parle bientôt. Bon, on s'en parlera au mois de septembre, probablement pour la Coupe Ryder ouais. avec les États-Unis contre l'Europe. Là, ça va être très intéressant. Merci beaucoup, notre collaborateur, Serge Cloutier.